suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Après la deuxième et troisième personne singulier que nous avons vue au cours de nos dernières leçons, nous sommes prêts aujourd'hui pour les deux dernières personnes qui restent à voir, le nous, mir, et le il, elle, sie. Remarquons tout de suite que le luxembourgeois ne fait pas de différence entre le il et elle au pluriel. Dans les deux cas, nous avons sie. La terminaison du verbe en indicatif présent est la même pour le nous, mir, que pour le il, elle, sie, comme d'ailleurs pour la première personne singulier, le je, ich. Ich heischen, mir heischen, sie heischen. Ich wohnen, mir wohnen, sie wohnen. Ich schwätzen, mir schwätzen, sie schwätzen. Cela reste vrai pour les auxiliaires. Ich sinn, mir sinn, sie sinn. Ich hun, mir hun, sie hun. Wie as num? Eisenum as Schmidt Averna. Wie as firnum? Eisefirnum as Jean as Cynthia. Donc, quand l'objet possédé est un masculin singulier comme num et firnum, nom et pronom, l'adjectif possessif est Eisen, Eise firnum, notre prénom, Eisen num, notre nom. Wie heisch dir? Comment vous appelez-vous? Mir heischen Jean Schmidt à Cynthia Werner. Nous nous appelons Jean Schmidt et Cynthia Wagner. Mir wohnen à Frankreich zu Paris. Nous habitons la France à Paris. Mir sind aus England, fu London. Mir schwätzen Englisch a Lützebuejisch. Mir sind Doktor fu Beruf. Mir sind Engländer. Mir hun ein Auto. Pour la troisième personne plurielle, nous avons Hieren num as Schmidt a Werner. Hiere firnum as Jean a Cynthia. L'adjectif possessif pour un masculin singulier est donc hieren, hierenum, hiere firnum. Sie heische Jean Schmidt à Cynthia Wagner. Sie wohnen à Frankreich zu Paris. Sie sind aus England, von London. Sie schwätzen Englisch à Lützebuejisch. Sie sind Doktor von Beruf. Sie sind Engländer. Sie hun ein Auto. Avec ça, nous avons vu toutes les personnes. Récapitulant, s'appeler Ich heischen, du heischst, hien sie hat heischt, mir heischen, dir heischt, sie heischen. Habiter, ich wohnen, du wohnst, hien sie hat wohnt, mir wohnen, dir wohnt, sie wohnen. Parler, ich schwätzen, du schwätzt, hien sie hat schwätzt, mir schwätzen, dir schwätzt, sie schwätzen. Être, ich sinn, du bass, hien sie hat as, mir sinn, dir sitt, sie sinn. Avoir, ich hun, du hues, hien sie hat huet, mir hun, dir hut, sie hun. Et pour l'adjectif possessif, pour un masculin singulier, mein num, dein num, sein num, hieren num, sein num, eisen num, ehren num, hieren num. Mai vier num, dei vier num, sei vier num, hiere vier num, sei vier num, eise vier num, ehre vier num, hiere vier num. Après tous ces verbes et adjectifs possessifs, tournons-nous vers autre chose pour la fin de cette leçon, vers les adjectifs. Si l'adjectif suit le verbe être, sin, il reste inchangé. Si, par contre, il précède le nom, il doit s'adapter au genre du nom, ce qui est assez difficile et que nous allons donc remettre à plus tard. Pour l'instant, contentons-nous de l'adjectif qui suit le verbe être. Ma voiture est chère. Mein Auto ist teuer. Ta maison est grande. Dein Haus ist groß. Son enfant est petit. Sein Kind ist klein. Notre vélo est neuf. Unser Velo ist neu. Votre manteau est noir. Mantel ist schwarz. Leur nom est difficile. Ihr Name ist schwer. Cher, daya, grand, gross, petit, klein, neuf, neu, noir, schwarz, difficile, schwer. Voilà pour aujourd'hui. Mir hören uns.